Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui vous permet de découvrir les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que nous et moi, Mathieu Plante. Oui, pendant 3 heures, c'est ce qu'on fait, on déballe des CD qu'on a reçus par milliers, assez fou. Et puis on découvre ce qui est bon, on découvre ce qui est un petit peu moins bon. Avant le coup de l'émission d'aujourd'hui, là, il y a de gros CD qu'on a reçus. Du côté anglophone, il y a Block Party avec leur nouvel album Intimacy. On a aussi reçu Oasis avec Dig Out Your Soul. Du côté francophone, on va entendre Thomas Hillman avec Prêt Partez. Mais on commence avec les Ghouls. Voici tout de suite Fête des Morts dans le poste d'écoute. Assez fou, 89.1 FM. C'est la radio autrement. Du last call qui arrive jamais. Ça pique des routes Bessic, des barres de poudre, pis des roulés jambon, pas de moutarde. Au fond, du vagin sans fond, du vagin sans bon, du vagin sans fond, sans bon, dis-le donc. Musique. sous des risques de vol. Poste d'écoute. Ah, j'en ai une bonne gorgée de bière. Nous vous invitons à en boire beaucoup, c'est vendredi, vous n'avez pas d'excuses. Mais évidemment, ce serait beaucoup mieux plutôt que de boire de la bière, que de commencer sa journée avec un bon petit café, d'aller travailler toute la journée, de revenir le soir et d'avoir un souper bien préparé par sa petite femme. Et puis ses petits-enfants aussi. J'aurais bien aimé ça, mais j'ai oublié d'aller porter des CV. J'ai complètement oublié, il y a plusieurs années de ça, j'ai oublié d'aller porter des CV. Alors je plonge plutôt dans le plaisir du vide. Et puis c'est très intéressant, mais en même temps, je me dis, merde, il faudrait quand même que j'aille porter des CV. Les Ghouls avec Mouture dans le poste d'écoute. Juste avant, c'était Fifote et on a débuté avec Canton. J'espère que vous êtes maintenant réveillés pour ceux qui nous écoutent le matin, le vendredi, entre autres. C'est assez intense comme début d'émission. Donc, le nouvel album des Ghouls est un CD-DVD. Ça s'appelle Fête des Morts. Et les Ghouls, c'est un groupe de rock punk metal de Québec. Je pense que la plupart des gens savent qui sont les Ghouls, il me semble. En tout cas, au moins ceux qui écoutent, c'est fou. Le disque va être lancé, va être en magasin plutôt le 11 novembre. Et les membres sont Claude Choudébat à la basse. Keith Kuna à la voix, Rabin et Kramaslavovic au clavier, Ken Pavel à la guitare, et puis Igor Wello à la batterie. Allez voir le myspace.com/ les Ghouls ou encore www.lesghouls.com. Moi, c'est pas vraiment mon genre de musique. J'ai aimé les pièces des Ghouls qu'on avait sur les palmarès dans le passé lointain, mais ça, c'est un petit peu élevé pour moi, un tout petit peu élevé. On passe à Oasis, oui, du côté anglophone. Leur nouvel album s'appelle Dig Out Your Soul. Tout de suite, voici Bag It Up dans le poste d'écoute au 89 FM. C'est fou, ça! Gold and silver and sunshine is rising up. Pour yourself another cup of Lady Grey. When you've had enough, you'll find me on the end of the runway, babe. Tell the world that you love them in a melody. Send my own piano and a telegram. Gotta get me a doctor with a remedy. I'm gonna Restez là, en retour, il y a d'autres pièces de Oasis et on découvre le nouvel album de Thomas Hillman dans le poste d'écoute assez fou 89 FM. Oasis avec la pièce Waiting for the Rapture, précédée de The Turning, et on a débuté avec Bag It Up. C'est les trois premières pièces de leur nouvel album Dig Out Your Soul, ici dans le poste d'écoute. C'est Fou 89 FM. Donc, groupe de Manchester au Royaume-Uni. Oasis, c'est de l'alternative rock indie. Je pense qu'ils n'ont pas tellement besoin de présentation. Liam Gallagher à la voix, Noel Gallagher à la guitare et la voix, Andy Bell à la basse et Jim Archer à la guitare. Voilà donc leur album qui s'appelle encore une fois Dig Out Your Soul. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir le myspace.com/oasis ou encore oasisnet.com. C'est leur 7e album studio. On passe du côté francophone pour aller entendre Thomas Heilmann. Son nouvel album s'appelle Prêt Parté. On va entendre les trois premières pièces comme toujours. Mademoiselle, précédée de Chat Gouttière, mais on débute avec Prêt Parté. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute parce qu'on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. À C'est Fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Sur la même ligne de départ, les enfants main dans la main attendent le signal du maître. Et c'est attention les enfants à vos marques, préparez. Au loin un avion qui décolle, chaque enfant rêve de voler au-dessus de la cour d'école. L'histoire continue d'avancer pour ceux qui construisent les tours et ceux qui les regardent tomber. À vos marques, prêts. Partez demain, demain sûrement, nous atteindrons la fin du monde. Vainqueur ou vaincu, premier arrivé, premier servi. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. À vos marques, prêts, partez. Et nous irons comme ça jusqu'à terminé, le maître déclare la chasse ouverte. Des enfants armés jusqu'aux dents tombent comme des grains de sable au milieu du désert. Les dieux des montagnes fatigués, les dieux détournent leur regard du soleil qui brûle de plus en plus fort et des glaciers qui fondent dans le nord. À vos marques, prêts. Partez demain, demain sûrement, nous atteindrons la fin des temps. Sur les écrans comme si nous y étions, nous verrons l'Occident disparaître sur l'océan. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. À vos marques, prêts, partez. Et nous irons comme ça jusqu'à de lâcher les cordes et le maître s'écrase dans le vide. Demain, demain sûrement, nous atteindrons le bout du monde. Servant ou servi, esclave hier, maître aujourd'hui. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Comme ça jusqu'à la fin. Poste d'écoute. Mmh. ciel étalé sur les trottoirs mouillés qui brillent comme des centaines de milliers de perles. La pluie recouvert le monde et coule comme un verre sur le comptoir d'un bar où les gens refusent d'abdiquer au matin qui succède au soir. Je marche dans la nuit en regardant les visages passer. Comme sans une rivière ou des chemins gravés dans la pierre, où tant d'âmes ont espéré avancer vers la liberté, l'amour et la lumière. Et comme tous ces naufragés qui vivent d'espérance dans le noir, je marche tel un chat de gouttière en attendant de la revoir. Je marche dans les rues comme un marin à la recherche d'un dans la nuit, comme ce mot qui depuis toujours brûle dans le centre de ma vie. Je l'ai vu comme un mirage, comme le désir infini qui renaît encore plus fort à chaque fois qu'il est assouvi. Un lampadaire en me faisant un sourire. L'amour chéri à cette heure-ci se paye à prix d'amis. Je pourrais lui ressembler si tu fermes les yeux et viens ici. Et au-dessus de la ville, je vois la lune qui se fout de moi. Je l'ai vu apparaître comme un ange dans la nuit. You got me thinking. with a 14-year-old mind. Mademoiselle, je vous aime beaucoup trop. But I won't be sticking around too long. Cage beasts live half as long. Now it's my love for you against the life that's left in me. Mademoiselle, les jeux sont finis. Cet homme que j'étais, je ne le suis plus aujourd'hui. N'allons pas fermer la porte à l'infini. Je suis votre amour, le mien. But there's one thing that I've got to do before I'm gonna tattoo my name on your soul. And we'll say Thomas Hellman avec Mademoiselle dans votre poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou, justement, c'était Charles Gouttière et on a débuté avec Préparté. C'était la pièce titre de son nouvel album, donc Thomas Hellman avec Préparté qui sort le 28 octobre, donc il vient de sortir il y a quelques jours à peine. Thomas Hellman qui fait du folk rock, il vient de Montréal. Il est en spectacle, en tournée en ce moment, donc il est à Québec en décembre. Ah, c'est ça, donc c'est ça. Toutes les dates sont au mois de décembre et de janvier, mars à avril, donc il n'y a pas de date pour l'instant plus proche de nous. ThomasHellman.com et son site web ou myspace.com/ThomasHellman, composé entre Paris et Montréal. Le nouvel album de Thomas Hellman marque un tournant dans l'écriture de cet auteur-compositeur, gagnant du prix Félix Leclerc en 2007. Résolument moderne, dit-il, teinté de sons électroniques et organiques, cet album invente une chanson francophone aux multiples visages, influencée par le slam, la musique folk et la tradition française. Dressant à sa manière le portrait de son époque, de notre époque, Thomas Hellman présente 12 chansons où l'urgence côtoie la douceur, où la révolte se teinte d'espoir. C'est un texte écrit sur son MySpace. Je rappelle donc le nom de l'album, c'est Préparté de Thomas Hellman. Nous, on continue notre va-et-vient musical avec Block Party du côté anglophone. Le nouvel album s'appelle Intimacy et on termine cette première heure tout de suite ou presque. Voici la pièce Arès dans le poste d'écoute à C'est Fou 89.1 FM. Et en passant, si vous voulez suivre avec nous en direct, vous pouvez aller voir le www.unechance.com. Là-dessus, je poste les liens et les titres de toutes les pièces qui ont joué et vous pourrez retrouver la balado-diffusion toujours sur le www.unechance.com. Whoa, whoa, whoa, whoa, I would choose, whoa, whoa. Le poste d'écoute. Scars on my shins, scars on my knife. Block Party et la pièce Halo de leur album Intimacy. C'était précédé de Mercury et de Arras. Ici dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Donc Block Party, groupe alternatif indie rock de Londres au Royaume-Uni. Ils sont en grosse tournée mondiale en ce moment même. Les membres sont Keely Okereke, Russell Lissack, Gordon Moats et Matt Tong. J'ai sûrement raté pas mal la prononciation de ces noms-là. MySpace.com/Block Party ou encore leur site officiel blockparty.com si la formation vous intéresse. Très bonne musique, j'aime bien ça. C'est disponible maintenant. Block Party avec Intimacy. C'est la fin de la première heure du poste d'écoute. On va se quitter avec une quatrième pièce, de cette formation. On va écouter Baiko. Oh non, attends, non. On a écouté juste deux pièces jusqu'à maintenant. La troisième, ça revient, ça va être Hello. Les auditeurs de la rediffusion du samedi et du mercredi ont la chance d'avoir 20 minutes de contenu additionnel dans ces rediffusions. Donc, ils vont entendre d'autres pièces de Block Party. Et dans la deuxième heure, on va se retrouver avec plein de bonne musique. Il va y avoir, entre autres, les Cold War Kids. Et du côté francophone, on va entendre le nouveau Plume La Traverse. Donc, restez avec nous, c'est le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou, ça! Solid. Don't you know? Deuxième partie, poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous, toujours avec Mathieu Plante. Deuxième heure, pas mal chargée. On va faire un va-et-vient francophone-anglophone comme on le fait depuis le début de l'émission. On va entendre un nouvel album de Jax Mannequin que j'ai très hâte d'entendre. Plume la Traverse, un nouvel album qui s'appelle Plumonyme. Et aussi Cold War Kids, mais on commence avec Jaune. Le CD s'appelle Quelque chose de beau et j'espère que c'est quelque chose de bon. Voici Tibout dans votre poste d'écoute au 89.1 FM. On est avec vous encore pour un Tibout, nous autres aussi. Ouais, c'est pas pire, hein? Assis à deux, sous ton basic, à siège banal, on roulait. Avec toute la vie devant, presque rien comme bagage. Couché dans l'herbe, pas trop loin de la traque. De chemin de fer, la main en mienne. Ton sourire d'un nuage, je me souviens de ton visage. Tout près de l'usine, où les cheminées crachent nuit et jour, on se retrouvait pour jammer de la news. Dans mon vieux garage, ça faisait jaser. Les voisins reconnaissaient sa fille de son père. Elle chantait fort, elle chantait tard le soir dans les oreilles du voisinage. T'en rappelles-tu, Tibout, quand il nous chantait ses chansons? Puis on rêvassait, on faisait des projets sans se soucier de rien. T'en rappelles-tu, Tibout, quand il nous chantait ses chansons? Je te dis ça de même, sans trop de nostalgie d'hier ni de peur de demain. On descendait quelques semaines au chalet. Sur le bord de la rivière, tout se gravait. Nos noms sur des gros champignons. Les autres nous agaçaient, mais toi t'étais fière. Tu voulais juste me plaire. Puis à 16 ans, on a fait une fugue en Gaspésie. Voir si les étoiles étaient les mêmes que dans notre campagne le soir. Puis à notre retour, c'est là que t'as eu ta première job. Mon premier amour a compris le bord. Je me suis mise à boire du vin. T'en rappelles-tu, Tibout, quand il nous chantait ses chansons? Puis on rêvassait, on faisait des projets. C'était notre petit bonheur. T'en rappelles-tu, Tibout, quand il nous chantait ses chansons? Je te dis ça de même, sans trop de nostalgie d'hier ni peur de demain. Dès qu'on va se revoir, je vais sauter dans tes bras comme d'habitude. Tu vas me lever jusqu'au ciel et me faire tourner. Pour être sûr qu'on est toujours là, qu'on se lâche pas, même si on sait que c'est plus tout à fait comme avant. Notre petit passé nous colle au cul pour nous rappeler d'où on vient. Puis y a l'avenir qui attend juste de nous recevoir. Ça donne faim, je fais confiance au destin. C'est déjà beau ce qu'on devient. T'en rappelles-tu, Tibout, quand il nous chantait ses chansons? Puis on rêvassait, on faisait des projets. C'était notre petit bonheur. T'en rappelles-tu, Tibout, quand il nous chantait ses chansons? Je te dis ça de même, sans trop de nostalgie d'hier ni de peur de demain. Le poste d'écoute. On est parti pour Tadoussac, la face encore endormie. C'est rendu à Québec, quand on le bec. Suivant la route du fleuve, la magie s'est mise à l'œuvre. Posant nos pieds sur le traversier, arrivé au café du fjord. Avec des fourmis, des jambes, la belle Marie-Ange nous a accueillis. Bienvenue chez vous, Gadu, on vous attendait. Mais prenez le temps d'arriver, on avait encore nos sacs sur l'eau. Quand on ouvrait les bouteilles de rouge, qu'est-ce qu'on a pris, voici la place. Le bateau, on va partir le cœur gros avec des sourires pleins de chaleur. laisse pas arrêter le temps. On vit de la chambre numéro 7, on a sûrement une drôle de dette. Fait qu'on va remettre nos chapeaux de cow-boy, laisser l'air de pacter la vanne et saluer tout le monde, sans oublier la belle Marie. En jour, on fait un échange de CD avec les bandes qu'on a aimées, en se disant qu'on va se repoguer. À ce soir qu'on a laissé notre phrase et nos chansons, on prie l'odeur de Tadoussac. On peut quitter ce beau coin de pays, on a fait le plein d'énergie. Ce chapitre n'est mort à temps. Comme un poisson dans l'eau, si t'embarques pas, tu manques le bateau. On va repartir le cœur gros avec des souvenirs pleins chapeaux. Le sang qu'on chante mieux, ça compte non, nos voix résonnent jusque dans le fjord. Moi j'suis comme un poisson, moi j'suis comme un poisson. La chambre numéro 7, dame! Oh, tu sais, c'est où, là? Les trois, hein? Lascaux, Rie, et Bouchard. Hey, ça c'est pas très? On vient de monter? Bon, merci. Ce qui se passe à Tadoussac, reste à Tadoussac. C'est comme il y a un retraversier. Tu peux pas retraverser un retraversier. On verra le même bout de ça. Vous êtes au 89.1 sur la bande FM. Écoutez-nous en direct partout sur la planète au cfou.ca. L'amour en hiver, ça garde au chaud. Ben rapproche-toi, je me sens plus le bout des pieds. Je me dis que c'est pas normal. Tant qu'on lui paye notre bille. Les saisons mélangées comme nos amours. Mais moi je nous aime bien, pis ça je veux en prendre soin. Le printemps qui s'amène en plein mois de juin. Pour moi la nature, ça fait longtemps qu'elle est plus à jeun. Je me demande si c'est moi qui te rends down. M'en planter devant toi jusqu'à ce que mes feuilles tombent. Moi bien la nature, on va être soi-même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre quand tu penses au mien? Y a-tu plein de papillons si OK, j'étais pas sûr, là. On m'a appelé, on m'a dit enlève-le. Moi, j'étais comme, mais là, ça fait deux tunes que je joue, je peux pas couper après deux tunes, ça fait comme si j'aimais ça. En tout cas, je l'arrête pareil. L'album s'appelle Quelque chose de beau, la formation c'est jaune, on vient d'entendre La nature est en beau joual vert. Justement, c'est Tadoussac et puis Thibout. Si vous voulez en savoir plus, allez voir le site de l'émission au www.unechance.com. Pour ceux qui aiment ça, au moins vous avez eu deux tunes et demie. Hein? Dites-vous ça, vous êtes fin. On s'en va entendre Cold War Kids. L'album s'appelle Loyalty to Loyalty. Tout de suite, voici Against Privacy. Parce qu'on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois à Cifou 89 FM. Puis des fois, c'est pas bon. Ça arrive. We don't gamble. We don't do the stock exchange. We paint paint. We write scenes for the stage. We will talk about welfare. We will talk about sex. Talk about the Pope and Prada shoes. Nobody gets upset. Nobody gets upset. And we're waiting. We're waiting for your call. get you to join in. Call us optimistic, we get the meanest looks. We a boss through romantic. History books will show, history books will show. And we're waiting for your call. We're against privacy, we're against privacy. And we're waiting for your call. We're against privacy, we're against privacy. And we're waiting, and we're waiting for your call. We're sure that you'll agree. 89.1, la radio autrement. Cold War Kids avec la pièce Every Valley Is Not a Lake, précédée de Mexican Dogs. On a débuté avec Against Privacy dans le poste d'écoute. Parlons un petit peu de Cold War Kids. Leur album commence à dater un petit peu, mais on vient de le recevoir ici à C'est Fou. Il est sorti le 23 septembre. C'est du soul punk qui vient de Long Beach aux États-Unis. Cold War Kids, c'est Matthew Avero, Jonathan Russell, Nathan Willett et Must. Allez voir le myspace.com/Cold War Kids ou encore coldwarkids.com. Ou passez par le site de l'émission où vous pouvez retrouver la balado-diffusion et tous les liens d'émission d'aujourd'hui. C'est le www.unechance.com. On continue notre va-et-vient musical avec Plume La Traverse. Son nouvel album s'appelle Plumonyme. Et tout de suite, voici Face ou Pile. Et restez avec nous parce que tantôt, on découvre les nouveaux albums de Jax Mannequin et de Ariel. Capiette de l'île. On va se faufiler à la sauvette, fignoler une entrée dans cette. Comme viennent à l'esprit des propos pulseurs. « son envie, face aux piles, chaque joue sa vie, face aux piles, mais c'est le sort qui choisit. Face aux piles, pile de facétie, face aux piles, le sort est indécis, face aux piles, fait face aux défis qui s'y farcit. Tombez pile, sans trop perdre la face. Pas facile de pas faire la grimace. Quand le profil nous tourne en yeux sur place. Dans la pile qui se remplit la masse. Face pile. Les deux font la paix, face aux piles, le père ou la mère, face aux piles, le ciel ou l'enfer transfère. Misère! Face aux piles, la paix ou la guerre, face aux piles, flipper dans les airs, face aux piles, le hasard repère s'y perd. Dans mes piles, chaque face tente sa chance. Versatile à chaque pièce qu'on lance. Sur la pile, il sort sans même plein la pince. Volatile, c'est la monnaie qui danse. Face aux piles. Gonfle les rivières, face aux piles, bloque les artères, face aux piles, espine la terre mystère. Face aux piles, ainsi va la vie, face aux piles, avec ses lubies, face aux piles, la chanson finit ainsi, soit pile. C'est le poste, un soir vrillé du mois de février, lorsque l'hiver s'éponge et que le jour s'allonge. Je ne suis qu'une ambiance, prémonition qui danse sur un vieux mur de roc, vermine d'une époque, quand l'homme des cavernes. Que cette ambiance berne gratte ses vieilles plaies. Une guitare, s'il vous plaît. Je suis qu'une ambiance qui hurle en silence, hors de ce tour de taille tranché par la ferraille. Quand le dehors s'estompe, qu'un cœur fatigué pompe son vieux reflet risible devant l'air invisible, le temps mort est assis, regardant nulle part, le décor reste ici. Et l'ambiance s'en sépare. Chemin des chrysanthèmes, voit un cafouille requiem. La tourbe sous le pied glissant, courbe les chines quand elle descend. Vers quoi s'accrocher dans sa chute? Souffle-t-elle dans son parachute quand l'incertitude nous noie dans son onde au reflet sournois? Blanche boucane de presbytère, vieille soutane réactionnaire, je vous apercevrai toujours sonner la cloche au coin du jour. Clouer la morale dans la cour des profondis joyeux conclave. Chacun son tour. D'un nuage à l'autre, grimpant dans le ciel par le chemin des écoliers, en sautant d'un nuage à l'autre, né au pied. En se levant du bon côté. La vie est vivante sous le soleil. La plume la traverse avec doux temps d'été dans le poste d'écoute. Juste avant, c'était nez de pied. L'ambiance est face ou pile. J'ai eu un commentaire par téléphone de quelqu'un qui trouvait que c'était vraiment pas très bon comme pièce. C'est pas mon genre non plus, plume la traverse, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, donc je vais laisser aller quand même. C'est pas pour tout le monde. C'est un style assez particulier. Lisons un petit peu son document de presse, pourquoi pas. En novembre 2007 dernier, oui, en novembre 2007 dernier, c'est très précis, Plume la traverse sortait un premier album en 5 ans intitulé Hors saison. 11 mois plus tard, un nouveau disque est disponible. Suite logique de l'album quant à la forme, piano, guitare et basse, Plumonyme révèle davantage l'expérience acquise des membres du trio en offrant un contenu simple et solide de sculpter mélodiquement autour des textes pour mettre ceux-ci bien en relief. Les 17 chansons du CD, issues de la même cuvée que le précédent, s'élaborent ici dans un climat sobre et serein et témoignent d'une maturité certaine. Humour et fragilité s'y dessinent avec précision pour dégager l'image voulue. Que ce soit l'ambiance, ça c'est le nom d'une pièce, et sa texture hypnotique, doux temps d'été et son humidité transparente, nous chantons titre bohème, pardon, ça c'est plusieurs titres, nous chantons titre bohème, la ratatouille, prière et sa vulnérabilité palpable, c'est toujours à lire ça, jusqu'à Alice la folichonne et son côté police pas de cuisse numéro 36, chaque tableau résonne finalement à sa façon et trouve preneur. Leur dernier opus de Plume la traverse est en magasin dès le mardi 21 octobre, donc c'est fait, ça s'appelle Plumonyme. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le site web qui est faneuf.ca/plume. Voilà, pour Plume la traverse. On continue notre va-et-vient musical des plus variés avec la musique de Jack's Mannequin. On avait entendu une pièce de Jack's Mannequin dans nos palmarès. Ça avait roulé, ça avait été quand même un bon succès. Le nouvel album s'appelle The Glass Passenger. Tout de suite, voici Crashing dans votre poste d'écoute. On découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou 89.1 FM. We'll be right back. dead till there are no more sirens. Lately it's hard to keep the hinges on with all the noise. I'll find my words when there is no one talking. The room is spinning, I have got no choice. Be patient, I am getting to the point. Till the phone stops ringing. Lately it's hard to disconnect. I just want something real. I'll find the words if I can just stop thinking. The room is spinning. I have got no choice. Be patient. I am getting to the point. Thank you. head above. Just keep your head above, swim. Just keep your head above, swim. Swim. Just keep your head above, swim. Jack's Mannequin avec Swim, précédé de Spinning et de Crashing, SV de leur nouvel album The Glass Passenger, album qui est disponible maintenant. Je vous invite à aller voir le myspace.com/Jack's Mannequin ou encore leur site complet jacksmannequin.com. Ils sont en grosse tournée aux États-Unis en ce moment et puis il y a quand même plusieurs pièces à entendre sur leur MySpace. C'est une formation que j'aime bien. On avait eu quelques pièces sur les palmarès de leur part il y a plusieurs années de ça. Je suis très très précis dans mes dates, mais bon. Voilà pour ça. C'est déjà la fin de la deuxième heure. On doit se quitter assez rapidement. On va entendre une pièce de la formation Gregory and the Hawk. Leur album s'appelle Money and the Kitsch, and Kitschy. Pardon. C'est le projet de Meredith Gaudreau de New York. On va entendre la pièce House Whistle. Un extrait au moins de cette pièce-là pour terminer la deuxième heure. Les gens qui écoutent la rediffusion du samedi et du mercredi vont avoir quelques autres pièces à se mettre dans les oreilles. Et je vais laisser le lien pour vous renseigner sur le www.unechance.com. Reste avec nous, la troisième heure s'en vient avec... Oh, c'est une troisième heure francophone complètement. C'est vrai, j'ai oublié de le dire. Il y a 011 là-dedans, il va y avoir Ariel, il va y avoir Héliodrome, Hugo Fleury et peut-être même Dirty Taz. Donc restez là. C'est le Poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou 89.fr. Pleases me, but I can't. And the Bonjour, c'est la troisième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, complètement francophone, on va entendre Ariel, aussi avoir Héliodrome avec la lumière ordinaire du jour. Il va y avoir Hugo Fleury avec Soudure mexicaine, peut-être même Dirty Taz avec Idiot du village. Mais on commence avec un simple de la formation 011. C'est toujours très bon, leur pièce. Ils nous envoient ça une fois de temps en temps, là. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de CD encore complet, mais bon, plusieurs petites pièces à se mettre dans les oreilles. On commence tout de suite à l'entendre, cette pièce de 011. Voici tout de suite, je cherche le nom de la pièce, Eros et Thanatos tout de suite. Oui, Eros et Thanatos, c'est pas compliqué, ça. Là, des dieux, quelque chose. On va sûrement en entendre parler, la définition va être dans la pièce. Hein. Écoutez, le 89 FM, c'est fou ça! 011 avec Eros et Thalatos dans le poste d'écoute. Quatrième extrait francophone de ce groupe électropop montréalais 011. La réalisation est signée par Xavier Paradis de Automélodie, Place de Musique et Echo Kitty. 011 sera en spectacle le 28 novembre au club Lambie de Montréal dans le cadre du lancement du deuxième album de The World Provider. Donc 011, si vous voulez plus d'informations sur eux, c'est myspace.com/pop011. Pop en lettres évidemment et 011 en chiffres. Voilà pour eux. Quatrième pièce, c'est dommage de ne pas avoir de CD complet d'eux. On reçoit une pièce par, on dirait par année. Il me semble que c'est super long entre deux extraits. 0-1. Que voulez-vous? Vous êtes dans la troisième heure complètement francophone du poste d'écoute. Plus tard, eh bien, on va entendre Hugo Fleury et aussi avoir Héliodrome. Mais on commence avec Ariel. Tout de suite, on écoute la première pièce de leur maxi de seulement 6 pièces. Voici Chargé dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Bye. le dernier cri, ma moche cherche la fille. Dans l'eau que les moustiques, elle tient pas l'alcool. C'est tout faux, mais c'est bon, c'est ce qu'il faut. Alors la radio autrement. Yeah. Montréalaise Ariel avec les sorcières, précédée de Faux Filets et de Chargés. Sorcières qui fit très bien avec la journée d'aujourd'hui, vendredi 31 octobre en direct. Et justement, ils sont en spectacle ce soir à 21h à l'Absinthe avec pour le party d'Halloween, oui, avec le Sabot Trio. Ça, c'est à Montréal. Groupe Ariel, donc rock, indie, power, pop, nouvel emballage, même bon goût de bonbon noir, disent-ils sur leur blog. Ariel, c'est la trame sonore d'un cartoon psychotrash. C'est aussi l'exubérance et la prétention du meilleur show rock à Montréal. Muse, la bibitte humaine, si attachante, si dégoûtante, de ses pulsions les plus primaires à ses questionnements existentiels, en passant par l'obsession de l'image, l'excès, la paranoïa, l'automutilation, la dépression, l'hystérie, avec un sourire en coin. Du clair-obscur à haut contraste, un bonbon noir dans un emballage prismacolore. Les bêtes de scène sont donc Ariel Coulombe à la voix, guitare et vêtements serrés, Célène Bérubé à la voix, clavier et fleurs du cœur, Philippe Lemire à la guitare et moustache intermittente, Benoît Desrosby à la basse et t-shirt d'Excite Bike, oh j'aime ça, et Jonathan Gagné à la batterie et bloc de bois en plastique rose. Influence David Bowie, Syd Barrett, Queens of the Stone Age, Bjork et plusieurs autres. Et là, je regarde sur leur document de presse. Ça dit la formation rock montréalaise Ariel a lancé son premier EP le 28 octobre dernier. En un mot, Ariel, ça rock la cabane. Manteau de cuir, attitude irrévérencieuse et prestations de feu à tout coup. C'est comme si on prenait le groupe Chocolat et qu'on lui donnait un peu de savoir-vivre et un son plus près des années 80 que des années 60. Ils se qualifient eux-mêmes de rock noir bonbon. Les textes teintés d'humour noir et d'images loufoques expriment principalement des réflexions sur les tares. Je m'assume taré. Je sais pas ce que c'est, tard, je m'excuse de mon ignorance. Contradiction de l'être humain. Pulsions les plus primaires, angoisses existentielles, narcissisme, hypocrisie, excès, paranoïa, dépendance, dépression, automutilation, avec un sourire en coin. C'est ce qu'on disait un petit peu tantôt. Je me redonde moi-même, je me redonde. Allez voir myspace.com/arielgroupe. www.myspace.com/arielgroupe. J'adore ça, c'est Ariel. Je vais sûrement repasser, j'aime bien ça. Je pense que c'est mon groupe préféré depuis le début de l'émission. En tout cas, on verra parce que je vais couronner mon poste d'or avant une demi-heure environ. Mais nous, on doit continuer en musique parce qu'on a une troisième heure complètement francophone. Donc, on va aller entendre Héliodrome. L'album s'appelle La lumière ordinaire du jour. Pochette très mauve avec des beaux petits châteaux dessus, mais pochette assez compliquée à ouvrir avec un genre de carton dans l'emballage. C'est pas évident. Tout de suite, voici Entre sol et terre. Elle dure 8 minutes, donc appréciez. Je cherchais enjoy. Appréciez. Je pense faire la job. Hein? Ouais. Appréciez-moi ça, puis donnez-moi-en des nouvelles. Hein? C'était le poste d'écoute. On découvre toutes les nouveautés musicales, tous ensemble, pour la première fois à C'est fou 89.1 FM. Quand s'embrase le ciel couvert du cri de pensée, sous le coup, mes paroles tombent à verse. Ils se transversent dans le vide du sujet qui m'intéresse. Je m'écoule dans des rigoles déjà tracées, refoule sans cesse cette impulsion damnée qui incite l'homme à baiser avec ses idoles sans se protéger. Car l'éclaircie qui suit l'orage me fait réaliser qu'à chaque fois je lis la même page, sans même modifier la structure de mes phrases. Je me ramène donc pour un moment à l'essentiel. Je n'ai rien trouvé au pied de l'arc-en-ciel, si ce n'est les fondements d'un mythe irréel, l'archétype de la sorcière qui survole le ciel sous son balai. Une bohémienne qui m'a envoûté de ses versets et a mêlé les lignes de sa main aux miennes. J'ai peine à me défaire des lianes qui ont infusé dans mon souvenir. Après avoir bu la décoction à tisane, les plaies de mes désirs sont ouvertes et me font ressentir le poids des pertes que j'ai accumulées au cou des femmes qui émanent une sexualité exacerbée. Atteint du complexe de Pygmalion, je m'enferme dans la cage de mon imagination et je m'attache aux barreaux de mes créations psychiques pour que la réalité soit moins terne. Mais mes remises en question épisodiques suscitent une lutte interne chez l'enfant qui joue seul dans sa chambre avec les gens et qui perd l'intérêt dans le scénario de ses jouets quand il en trouve une qui lui plaît plus. Soumis aux injonctions de mes testicules et de mon prépuce, j'oublie à l'ordre des images sur la pellicule. Leur réalisme m'empêche de prendre le recul nécessaire pour comprendre que ce n'est qu'un effet de lumière. Et mon voyeurisme ne tient pas compte des reflets de poussière quand je check sur internet des photos de femmes célibataires sur la surface de ma sphère identitaire. Pour préserver une intégrité imaginaire, j'ai érigé des barrières entre les pôles trinitaires en guerre. Mais maintenant que s'ouvrent les frontières, les rôles ne sont plus aussi clairs entre sol et terre. Je me force donc à rester seul et gère sur la surface de ma sphère identitaire. Derrière mon décor, je dégage la peinture de mes faux murs, découvrant tout ce que je croyais mort. Mes efforts n'auront finalement servi qu'à recouvrir ma façade défrichie de croyances plus ou moins ressenties que j'ai fait passer pour mes acquis. Pour me protéger de ces inquiétudes qui m'habitent, je m'abrite dans des habitudes d'ermite où à chaque jour je lis, j'écris, je médite, creusant des galeries profondes qui garantissent ma fuite si jamais sous mes pieds le sol glisse ou que s'effondrent les murailles que la vie effrite. Fort de mes batailles, comme mon bras hésite et que le doute infiltre les failles de ma discipline, je me réfugie dans des écrits égocentriques et j'apprends à converser avec les esprits qui me dominent. Souvent, c'est par une légère dépression que mes intuitions culminent, restreintes par la gravité de ma pensée qui me ramène à ma condition entre sol et terre, où mes envies influencent les proportions de ma satisfaire. Pour m'orienter correctement dans le monde sublunaire, je place un aimant au creux de mon nombril, m'indiquant d'où provient le cri de mes émotions à bout de souffle, qui demande qu'à rejoindre la juste impression dans sa course. Le long de l'octave de digestion, chaque pulsation terrestre correspond à une respiration qui me traverse et laisse des blocages en reste que je dissois saturation dans mes textes. Leur lourdeur devient une faiblesse à partir de laquelle j'improvise. Par réflexe de survie, j'organise des cérémonies secrètes où je rappe maudit en mots et en gestes cette même fermeture d'esprit que je sécrète quand je décrète que je suis rappeur mais pas poète et qu'intérieurement je rejette également cette épithète lorsque je souhaite demeurer le seul alphabet de ce que je reflète. Sur la surface de ma sphère identitaire, pour préserver une intégrité imaginaire, j'ai érigé des barrières entre les pôles trinitaires en guerre. Mais maintenant que s'ouvrent les frontières, les rôles ne sont plus aussi clairs entre sol et terre. Je m'efforce donc à rester seul et gère sur la surface de ma sphère identitaire. Au retour, une autre pièce de cette formation étrange qui est Héliodrome. Et on découvre Hugo Fleury dans le poste d'écoute à C'est fou 89.1 FM. Je reviens dans la maison de mon enfance. En arrivant à l'entrée, je monte les marches tranquillement et devant la porte, on a installé un tapis. Sauf que le tapis est pas plutôt comme une mort, à l'intérieur de laquelle flotte les cadavres d'oiseaux morts. Maman, j'en parle, le tapis, j'ouvre la porte et j'entre à l'intérieur de la maison, rien n'a changé. À ma droite, c'est une lit pour monter au deuxième étage. J'ai gravi les marches. Chambre, sauf qu'à l'arrière de ma chambre, quelqu'un occupe de la place dans mon lit. J'ai pas le choix de trouver un autre endroit pour me reposer. Pendant un instant, tout s'est arrêté. L'inconscient s'est ouvert sur l'éternité pour redéfinir les stratégies à adopter. Sous l'impulsion d'un moment éphémère, j'ai trempé mon stylo dans les poignets de mes rêves tailladés pour faire des lambeaux de chair en couvert, des rideaux à la tête terminée. archétype masculin, se confondre dans des complexes d'Édipe dignes de Romain Arlequin. Prisonnier des symboles à la source du langage, j'envisage une grève de la faim pour me définir, mais je suis incapable de pas me relire. Donc dans le désespoir, j'ai pris le gardien le plus faible en otage, cherchant à forcer ma libération au recto de cette page. À chaque nouveau texte, je force mon intellect dans un camp de concentration pour que se déroule le processus d'une soi-disant purification. Mais le train qui m'y amène commence à être à mauvaise condition. Depuis que je suis passé de l'autre côté du chemin de fer, je fais le même cauchemar où je suis victime de mon père. Mon transfert au cœur de chantier désaffecté me fait réaliser à quel point le vide sert de jaune à ma maturité. Avec des débris de personnalité, j'ai construit une tour babylonienne en tôle rouillée, et j'ai fait passer pour de la vie les taches oranges oxydées. Mais les assauts répétés de ma salive sur cette surface grise vont finir par percer un trou par où je pourrais voir le jour et m'imaginer vivre. Sur le palier du deuxième étage. Je décide d'aller m'installer en bas, peut-être que j'aurais plus de chance pour pouvoir me reposer. En descendant les marches, je remarque qu'il y a trois divans qui sont à ma disposition. Le premier, par contre, est trop situé proche d'un escalier, donc je m'empêcherai de voir un sommeil reposant. Sur le deuxième, mon chat est couché dessus. Le troisième, qui est plus éloigné, semble plus approprié, sauf que ma sœur me dit non. Pourquoi t'installer là? C'est le sofa de ton père sur lequel il va aller se coucher. L'imagination devient féconde, et c'est là que j'arrive à mettre sur papier cette part d'ombre qui fait que je suis toujours de ce monde, même si paraissait sous ma chemise les contours de la bombe. Je cherche à être ailleurs tout en étant ici, à fréquenter en public l'objet de mon désir, pour qu'on puisse me connaître au drame existentiel qui m'inspire. Mais il n'est pas question que je me retire tout de suite, donc j'entreprends l'analyse de mes comportements de fuite et réalise à quel point il manque sert d'allumage à mes jambes. C'est normal que j'hésite à amputer à froid mes membres. Je suis obsédé par l'image de cet homme en chaise roulante qui fume sa cigarette en espérant ne plus rencontrer de pente. Déjà dans mes rêves, je suis incapable de courir. L'angoisse est si forte que j'imagine mourir. Donc je me réveille régulièrement dans les moments intimes de la nuit, en même temps que les cris de mes voisines quand ils s'oublient. En cherchant à me rendormir, je compte les minutes et les heures. Mais souvent c'est le soleil qui vient nourrir mon malheur. En deux phases de sommeil, je prophétise à partir de mon lit. De 9h à midi, la paresse laisse mon esprit, et les mots de tête m'indiquent que le dormeur a failli. À travers mon télescope, je projette mon ombre au plafond. Ce faisant, je sépare de façon manichéenne les symboles célestes en fonction de ce que mon monde intérieur manifeste. Et je me rends compte que les planètes reviennent jamais sur le même point du cercle. Césarienne sur le ciel, et j'y ai laissé une cicatrice que la lune et les étoiles révèlent. La plaine s'est pas complètement refermée quand j'étais enfant, et mes monstres sont entrés pour infecter mes 30 ans. En fait, pour me protéger, j'ai tressé les anneaux autour de Saturne en barbelé, et ici, sans savoir, étendu sa zone d'influence dans la voie lactée. Ses rapprochements maladroits soulèvent une marée dans mes veines, surtout quand je le vois venir, d'une démarche ébrieuse, cherchant ses clés, non sans peine, pour ouvrir la porte sur le chêne de mes hallucinations incestueuses. En dessinant la pire de mes craintes sur une feuille, j'ai pris dans ma main droite celui dont je devais faire le deuil, et au verso, j'ai retrouvé la souplesse de mon épaule, ainsi qu'un nouveau chiro sur qui établir mon royaume. Quand j'ai réalisé l'ampleur de ce qui était contenu dans le dessin, je l'ai vite plié en 8 pour prévenir la fuite de mon destin. J'ai voulu l'envoyer en courrier recommandé à mon inconscient, mais je n'avais rien pour le sceller et éviter le débordement. J'ai donc essayé de faire fondre une chandelle au four, mais j'ai préféré modeler avec une poupée de cire pour symboliser l'autre que je mettrais à ma place sur le bûcher de Mansour, sans toutefois avoir insufflé dans ce golem les prémices de l'amour. En attendant que ma vie s'ajuste d'elle-même, les réactions automatiques de mon cerveau deviennent un problème. Il me faut anticiper l'odeur réconfortante d'un mélange de crème à la vanille et d'huile d'amande. Par lâcheté, souvent le statu quo me contente, surtout quand j'imagine que c'est une solution à ma tourmente. construit d'une multitude de petits traumatismes. Mon premier souvenir est une image triste, marquée par l'insécurité et l'abandon, la maladie, la mort, l'absence sont des thèmes qui maintiennent en orbite certaines sphères émotionnelles dans une ellipse rythmée par les mouvements oculaires. Je cherche à faire sortir le grain de poussière qui fait rougir dans mon œil les corps morts se rapprochant du soleil, car si mes larmes ne sont plus suffisantes pour calmer l'édème, il me reste qu'à fermer mes paupières et attendre le prochain éveil. Il me reste qu'à fermer mes paupières et attendre le prochain éveil. Et attendre le prochain éveil. L'Héliodrome avec la pièce titre, en fait homonyme, l'Héliodrome, le album s'appelle La lumière ordinaire du jour. Alors ça, c'était la pièce Entre sol et terre, spéciale, hein, pas être sûr, de ça. Mais bon, c'est un style musical, l'Héliodrome, La lumière ordinaire du jour. Allons nous renseigner un petit peu sur ça, hein, parce que je pense que j'ai des feuilles sur eux autres. Ben oui, l'Héliodrome a vu le jour en 2006 avec la rencontre de Kiro, membre fondateur du groupe Traumaturge et du collectif Attache Tatuc, et de YPL, tête pensante derrière le Rosemount Anti-Quartet et du micro-label La poussière entre les sillons. C'est au travers de passions communes qu'ils ont su tisser un lien profond réunissant le free jazz, le folk, l'improvisation et la science des religions. La musique qu'ils créent ensemble a cette qualité d'échapper au temps et à l'espace pour se situer sur la mince ligne séparant le rêve de la réalité. Ce qui s'avérait être au départ un mélange incendiaire de free jazz et de rap a pris une tournure inespérée avec l'apport artistique de Scott Darros, dirigeant du label Endemic, et Vide Cousin, technicien de son auprès d'Amon Tobin et Square Pusher lors de l'enregistrement et du mixage de l'album. On retrouve donc une musique curieuse et hybride où le hip-hop se mélange à un ensemble d'influences diverses, créant une musique nouvelle qui ne ressemble à rien. Et ça, je suis très d'accord. L'album est disponible à partir du 11 novembre. C'est Héliodrome avec La lumière du jour. Si vous voulez plus d'informations, allez voir leur site web en passant par celui de l'émission au www.unechance.com. On continue en francophone parce que notre troisième heure est complètement francophone et là, on va devoir se dépêcher. On va écouter une pièce de Hugo Fleury. Son album est Soudure mexicaine. On va entendre Club Med. Après ça, on revient avec la conclusion et on écoutera d'autres pièces plus tard. C'est le poste d'écoute. Ah, c'est fou, 89 FM, la radio. Celui autrement. Qui veille pour que tu dormes un jour voudra voir le soleil. Celle qui se crève pour tes beaux yeux bientôt voudra sa paye. Celui qui jeûne pour que t'engraisses caresse l'idée de te faire cuire comme tout le monde connaît ton adresse. Vaut mieux t'attendre au pire. Tôt ou tard prendront la parole. Et ceux qui t'endurent quand tu chiales en ont totalement ras-le-bol. Ceux qui se contentent de tes restants un jour viendront pour se servir. Plusieurs voudraient ton petit cul blanc. Vaut mieux t'attendre au pire. Et font tourner ton beau manège. Tous ceux que l'Occident bafoue, ces nations qu'on assiège. Ceux qui jamais n'auront ta chance, mais prêts à tout pour s'en sortir, entreront bientôt dans la danse. Vaut mieux t'attendre au pire. Hey! lazy, the brain is dead. The words he wants to eat your bread. The words he wants to blow your head. He will take your place in your bed. Bonhomme, jusqu'à présent, tout est parfait. Ta vie est cool comme un Club Med. Mais ce serait pas le cas si tu t'appelais Boris ou Mohamed. Et même si moi je sais te trimer dur, que t'en as bavé pour t'enrichir, le reste du monde s'en fout, je te jure. Vaut mieux t'attendre au pire. Hey! Hugo Fleury avec la pièce Club Med dans le poste d'écoute. Donc ça là, je regarde ça ici, là, reconnu pour sa fougue et sa verve, Hugo Fleury, l'ex-chanteur du groupe Polémile Bazar, est de retour avec un premier album solo fort attendu, Soudure mexicaine, astucieux amalgame de chansons lucides et pétillantes aux couleurs chaudes, aux propos francs et à l'habillage beaucoup plus rock que tout ce qu'il nous avait offert auparavant. On peut dire que ce nouvel album détonne. Ça, c'est son document de presse. Et qui dit ça? Je vais devoir vous laisser aller lire le reste sur disqueanubis.com ou encore passer par le site de l'émission, c'est le www.unechance.com. On va se quitter, terminer l'émission avec une deuxième pièce qui s'appelle L'Épouvantail. Les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi vont entendre d'autres pièces d'Hugo Fleury. Ça va être très bon pour eux, j'en suis certain. On se retrouve la semaine prochaine, les vendredis à partir de 10h pour une autre édition du Poste d'écoute. Il y a aussi des rediffusions le samedi à midi et le mercredi à 13h avec toujours 20 minutes de contenu additionnel. Allez voir lunechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion. C'est Rock Classique qui suit avec Alain Lefebvre à partir de 13h les vendredis. Passez une superbe semaine. Au revoir, je vous adore, bonne chance. Ça y est, c'est parti, ça décolle pour la nuit. Ça le fait, ça lève, ça grouille de vie. C'est pas comme si on faisait semblant. Y'a pas de soucis, y'a pas de gants blancs. C'est oui, c'est du vrai, c'est un cri. C'est un fio en furie, un tomahawk dans le front. Un coup de klaxon, un petit coup de tonic en chanson. Ça décape, ça dérape, ça mord autant que ça jappe. C'est le chien de vie des plus intenses. Qui me dit que c'est tous les jours dimanche. Qui danse, qui s'éclate, qui se défonce. Qui vide le 41, qui vote pour que le train déraille. Qui donnera du feu à l'épouvantail. Qui veut partir sur une galère sans boussole et sans gouvernail. Guidé par un épouvantail. Qui veut s'offrir un tour de taille. Mais rappelez pas leur bercail. Lequel offrira vaille que vaille du feu au pauvre épouvantail. Parfum d'inouï, de vacarme accompli, de jours de grève, de tours de scie, de manège, de beaux carnaval, de vieux camps de chasse à l'Orignal. Cette nuit on sort la cavalerie, on rénove l'écurie, on se récure la carcasse à coups de vodka, le canon des parias, jusqu'à ce que ça décape, ça dérape. La folie nous rattrape une fois pour tout, avale ta montre, ou disparaît si je te fais honte. Qui chante, qui s'envole, qui se la pète, qui paye la prochaine traite, qui vote pour qu'on résille le bail, qui donnera du feu à l'épouvantail. Qui veut partir sur une galère sans boussole et sans gouvernail. Guidé par un épouvantail. Qui veut s'offrir un tour de taille et rappeler le bonheur au bercail. Lequel offrira vaille que vaille du feu au pauvre épouvantail. Le lion et trouver la flamme et danser avec le feu. Brûler ses démons, ses épouvantails et vivre un peu mieux. Chatouiller le lion et trouver la flamme et danser avec le feu. Brûler ses démons, ses épouvantails et vivre un peu mieux. Chatouiller le lion et trouver la flamme et danser avec le feu. Brûler ses démons dans un grand feu de paille. et défier les dieux debout jusqu'à la lit. On croule avec philosophie, mais on se verse un dernier effort pour contrer l'ironie du sort d'une vie. Une poussière d'infini, voyage au bout de la nuit, prisonnier d'une bulle de roman savon. Sa gueule est sans corps, ça touche le fond et ça décape, ça dérape. L'improbable nous frappe, un coup de massue dans le blanc des yeux. L'absolution des fous furieux, qui tombe, qui s'accroche, qui se relève. Qui veut qu'on vote une trêve, qui s'occupera des funérailles, qui donnera du feu à l'épouvantable. Guidé par un épouvantail, courir la gueuse aux quatre mers et bazarder sous la tiraille. Et c'est sauf qui peut, c'est vaille que vaille. Qui veut partir sur une galère sans boussole et sans gouvernail. Qui veut s'offrir un tour de terre et ramener le bonheur au bercail. Qui donnera du feu, donnera du feu, donnera du feu à l'épouvantail. Tellement d'amis que je les collectionne. Moi j'ai tellement d'ennuis, j'ai même plus de téléphone. J'ai des entrées partout, j'ai des bouquets de clés. Moi j'ai la clé des champs et nulle part où aller. J'ai les moyens, les gros, la folie des grandeurs. Moi j'ai que des zéros, la phobie des hauteurs. Je mesure plus mon pouvoir à force de l'étendre. Moi j'ose plus rien vouloir à force de descendre. Moi je mise à la bourse, j'ai le succès inné. Moi je puise à la source des succès donnés. J'ai le roc infertile, je suis rusé renard. Je marche sur un fil sans filet, sans espoir. Je m'enivre de gloire, j'ai des mines et des puits. J'ai des trous de mémoire où je descends la nuit. Moi j'ai tellement de tout que moi j'ai tout pour rien. Moi j'ai plus d'atouts, moi je suis dans la main. On s'est creusé des trous, enfoncé jusqu'au cou. Dans nos réalités, on est bien embêté. Et maintenant qu'on étouffe, on voudrait s'en sortir. On est seul et on souffre, sans pouvoir le dire. On s'est creusé des trous, enfoncé jusqu'au cou. Monté sur nos grands chevaux, on est tombé de haut. Brisé nos illusions, perdu nos idéaux. Chacun dans sa prison, vers son propre bourreau. J'ai des rousses et des blondes, des mulâtres et des brunes. Moi je suis seul au monde et j'en voudrais juste une. Elle me cajolait même, elle m'escorte et me loue. Elle partagerait mes peines et m'arracherait mes clous. Je flirte avec la pègre et je connais des stars. Moi je traîne ma vache maigre, rien n'en sépine moi. J'ai des amis ministres et des cousins cossus. J'ai des voisins sinistres et mon âme est bossue. Moi je m'auto-suffis, moi je m'auto-vénère. Moi je me dents de scie, moi j'aiguise mes nerfs. J'ai tout cuit dans la gueule et j'ai de longues dents. J'ai le cœur sur la meule et le chagrin strident. Tout là-haut sur mon trône, je suis si près de Dieu. Ici-bas c'est la faune, moi je me fais vieux. Je bois l'eau de jouvence et la vie me convient. Je me suis dans le silence, moi je suis dans la main. On s'est creusé des trous, enfoncé jusqu'au cou. Dans nos réalités, on est bien embêté. Et maintenant qu'on est au fond, on voudrait s'en sortir. On est seul et on souffre, sans pouvoir le dire. On s'est creusé des trous, enfoncé jusqu'au cou. Monté sur nos grands chevaux, on est tombé de haut. Brisé nos illusions, perdu nos idéaux. Chacun dans sa prison, est son propre bourreau. Au sommet de ma gloire, je m'allongerai tout nu dans un petit trou noir. Je crèverai d'opulence, de faste, je m'en fous. Je partirai en silence, modeste, mais debout. Je veux laisser ma trace et passer à l'histoire. Je veux quitter la place, oublier mes déboires. Je laverai ma conscience au tout dernier moment. Je me lèverai en silence au pied du firmament. Quand parfois la nuit j'observe les étoiles, en me demandant si les destinées se valent, si la chance est innée, le bonheur arbitraire, et jusqu'où nos idéaux nous mèneront, mon frère. J'apprivoise l'idée de pouvoir avoir tort. Mon orgueil peut céder quelques places au remords. Car la pure évidence, l'unique vérité, c'est qu'on est malheureux, chacun de son côté. On On s'est creusé des trous, enfoncé jusqu'au cou. Dans nos réalités, on est bien embêté. Et maintenant qu'on est au fond, on voudrait s'en sortir. On est seul et on souffre sans pouvoir le dire. On s'est creusé des trous, enfoncé jusqu'au cou. Monté sur nos grands chevaux, on est tombé de haut. Brisé nos illusions, perdu nos idéaux. Chacun dans sa prison et son propre bourreau. On s'est creusé des trous, enfoncé jusqu'au cou. Dans nos réalités, on est bien embêté. Et maintenant qu'on est au fond, on voudrait s'en sortir. On est seul et on souffre sans pouvoir le dire. On s'est creusé des trous, enfoncé jusqu'au cou. Monté sur nos grands chevaux, on est tombé de haut. Brisé nos illusions, perdu nos idéaux. Chacun dans sa prison, vous dressiez les barreaux. L'étau des anciens resserre et ma peau ne vaut plus très cher, mais plus que de rendre les armes et de vendre mon âme au dernier des méphistos. Je peaufine mon essence, raffine ma résistance. Et plutôt que de joindre les rangs, je m'isole un peu plus à chaque assaut du temps. J'ai beau me cogner sur la tête à coups de marteau pour accepter la défaite des idéaux, les derniers qui me restent me font tenir debout et survivre à la peste et au fléau d'avilissement qui nous menace du berceau jusqu'à l'ultime grimace. C'est pas de sitôt qu'on verra marcher dans les normes, marcher dans les normes, marcher dans les normes troupeaux. Écho, écho, préfère amplifier la voix des idiots, idiots, colporter la pensée des bourricots, rico, diffuser l'ineptie, soigner la connerie, c'est rien de nouveau. Des salauds, salauds, au temple de la renommée des héros, héros, conduit tout droit vers le bûcher des Mario, Mario, des Luigi, des guignols qu'on élit, qu'on bénit, qu'on transforme en idole. Rien, non, rien pour me donner de croire que l'homme finira par m'épater. Rien, non, rien pour me donner l'espoir qu'on verra le cauchemar s'arrêter. Rien, non, rien pour me donner le goût de croire que je finirai par me calmer. Rien, non, rien de bon, rien pour me donner le goût de marcher dans les normes, marcher dans l'énorme troupeau. Rien pour me donner le goût de croire que l'homme finira par m'épater. Rien, rien pour me donner l'espoir qu'on verra le cauchemar s'arrêter. Rien, non, rien pour me donner le goût de croire que l'homme finira par m'épater. Rien, non, rien pour me donner l'espoir qu'on verra le cauchemar s'arrêter. Rien, non, rien pour me donner le goût de croire que je finirai par me calmer. Rien, non, rien de bon, rien pour me donner le goût de marcher dans les normes, marcher dans les normes. Les taux des anciens resserrent et ma peau ne vaut plus très cher, mais plutôt que de joindre les rangs, je m'isole un peu plus à chaque assaut du temps.